c'est à la vitesse de la lumière, que nous avons traversé ensemble cet espace musical. Nous sommes déjà arrivés. Mais sachez-le, tout est prêt pour une nouvelle odyssée dans les vibrations. Alors, à très bientôt dans la musique. Salut! Salut!